comprendre les règles fiscales pour s'enrichir, enregistrement produit lors du mois de juillet de l'année 2025. En fait, c'est fondamental, à mon avis, de bien comprendre les règles fiscales parce qu'une personne peut passer beaucoup de temps, consacrer beaucoup d'énergie à faire de l'investissement dans le secteur immobilier, à investir en bourse, à investir dans des fonds négociés en bourse, dans des crypto-monnaies. Mais si la personne ne comprend pas les règles fiscales de son pays et que la personne performe bien, elle a du rendement, elle fait de l'argent avec ses investissements, ben c'est sûr qu'elle va se voir départir d'une bonne partie de ses gains qu'elle va faire en impôts. Et il y a des endroits où les gens payent beaucoup d'impôts, comme par exemple le Québec et la France. D'où l'importance pour les gens qui y résident, qui veulent réellement s'enrichir, bien comprendre les règles fiscales. Ici, je ne dis pas aux gens de faire de la fraude, mais je dis tout simplement, d'une manière légale, de bien comprendre les règles fiscales pour pouvoir en tirer profit, pour s'enrichir. Donc, au Québec, c'est important de comprendre les règles du jeu. C'est un peu comme lorsqu'on joue au Monopoly. Si on comprend les règles du jeu, ben à ce moment-là, on peut en tirer profit d'une manière stratégique dans l'optique de gagner au jeu. Et c'est le même principe ici. Donc, c'est de l'optimisation fiscale que je me suis intéressé à étudier, en plus des placements là, liés au domaine boursier là, dans les derniers mois. Pourquoi? Parce que c'est fondamental. À un moment donné, je discutais avec un gars qui... a travaillé, en fait, il est retraité aujourd'hui là, comme pharmacien, puis il m'expliquait dans ses bonnes années, il pouvait gagner 90 000 $ par année, sauf que sur le 90 000, il y en avait à peu près 40 000 qui allaient à l'impôt, puis il lui restait 50 000 $ dans les poches. Pourquoi qu'il en payait presque la moitié en impôt? Ben, c'est tout simplement que, à ce moment, c'est parce que les braquettes d'impôts sont très importantes ici au Québec, là. Et si la personne ne comprend pas les outils pour diminuer l'impôt à payer, ben qu'est-ce qui arrive? Elle peut faire un emploi qui est très lucratif ou avoir des placements qui sont lucratifs, immobilier, ensuite actions à la bourse, etc. Mais il n'en restera pas beaucoup dans les poches à fin de l'année parce qu'elle va payer beaucoup d'impôts. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre les rouages, parce que si une personne a une volonté de s'enrichir, oui, c'est intéressant d'investir et d'étudier les leviers d'investissement, que ce soit l'immobilier, la bourse, la crypto-monnaie, mais si la personne ne comprend pas les règles de l'impôt, à mon avis, elle va se faire plumer, c'est-à-dire elle va se faire détrousser de beaucoup de ses gains qu'elle peut faire pendant l'année courante. Donc, pour bien comprendre l'impôt, ben c'est d'étudier les véhicules, les véhicules de placement, oui. Par rapport à ça, dans l'enregistrement présent, naturellement, je vais parler de ceux liés au Québec, parce que je vis au Québec. Mais l'exercice similaire peut se faire par rapport, par exemple, à une personne qui est en France, en Belgique, bien comprendre les règles fiscales du pays spécifique où on réside. À mon avis, c'est fondamental. Et une des erreurs que les gens peuvent faire, c'est d'investir une grande quantité d'énergie puis de temps, comme j'expliquais, à étudier les moyens de s'enrichir, mais pas assez pour l'impôt. Puis finalement, ben, c'est un petit peu comme un coup d'épée dans l'eau, dans le sens que la personne a fait de l'argent, mais si elle se ramasse à payer à peu près 50% d'impôt, ben, c'est plus ou moins intéressant. Donc, il faut mettre l'énergie à la bonne place, bien que ça peut être lourd, bien que plusieurs personnes peuvent trouver ça ennuyeux, mais c'est fondamental dans une optique d'enrichissement à long terme, à mon avis. Pourquoi mettre en place des comportements pour éviter de payer d'impôts ou réduire au maximum l'impôt à payer? Ben, ça peut être pour plusieurs raisons. Dans mon cas, j'ai des convictions, en fait, que l'argent est mal géré par le gouvernement ici au Québec, également au Canada, m'appuyant sur plusieurs points. Donc, présentement, selon mes observations, pour plusieurs facteurs, j'ai pas le goût du tout de payer de l'impôt. Pourquoi? Ben, parce que Il y a des choses qui sont des aberrations historiques. Prenons par exemple d'entretenir le système des lieutenants-gouverneurs avec le gouverneur général du Canada en relation avec le fait que le Canada est une monarchie constitutionnelle, puis on a des représentants du roi d'Angleterre, donc le roi Charles, autrefois c'était le prince Charles, aujourd'hui c'est le roi Charles, ici au Canada. À mon avis, le Canada doit arrêter d'entretenir des gens qui ont un rôle symbolique, qui coûtent une fortune au gouvernement et qui ne donnent pas de service direct à la population. Donc, les lieutenants-gouverneurs n'amélioreront pas la situation de santé ou l'accès à l'habitation des Canadiens. Non, ils sont là pour siéger par rapport à un rôle représentatif. Et il y a plusieurs années, dans les médias, il avait été décrié les scandales liés à Madame Thibault. Elle, c'est une dame qui attirait la pitié d'une partie de la population parce qu'elle est en chaise roulante. Mais en même temps, il y a eu, par rapport à elle, dans les médias, des scandales là, liés au fait qu'apparemment, pour la même journée, la même heure de repas du midi, elle pouvait demander d'être remboursée aux frais des contribuables pour deux endroits différents de frais de restaurant. Donc, c'est comme si elle pouvait être à deux endroits simultanément pour des frais de restaurant. Ça a sorti publiquement. Il y a eu d'autres scandales là, en lien avec elle, de dépenses folles. Mais le point, c'est que cette structure-là des lieutenants-gouverneurs, à mon avis, ça doit disparaître parce que ça fait partie d'un passé archaïque. Donc, c'est comme l'histoire de prêter allégeance au roi d'Angleterre, à l'Assemblée nationale pour des députés. À mon avis, c'est dépassé. Ça, c'est ma vision politique des choses. Sinon, pour ce qui est de la gestion du gouvernement, c'est mal fait ici au Québec. Si on regarde, par exemple, à l'Assemblée nationale, les députés élus lors du mois de juin de l'année 2023 se sont votés des augmentations de 30 % de leur salaire, alors que les mêmes députés, par la suite, nous disent qu'ils n'ont plus d'argent, qu'ils ont des problèmes d'endettement, de déficit, qu'ils doivent faire des coupures par rapport aux services de la population, notamment dans le domaine de la santé ou de l'éducation. Ces gens-là ont zéro crédibilité, surtout quand vient le temps de renouveler des conventions collectives avec des employés syndiqués au Québec, que ce soit dans le domaine de l'éducation ou de la santé. Imaginez, ces gens-là se voient des augmentations de 30 % puis après ça, quand les autres veulent avoir des augmentations, ils ne veulent pas leur accorder, puis dire on a des problèmes de déficit. Mais là, il y a un adage qui dit, dans le fond, que à quelque part, les gens doivent... dans le fond, montrer l'exemple, là, dans le sens que si c'est vrai qu'il y a des problèmes d'endettement puis de déficit important, qu'ils ne se votent pas des hausses de 30 % puis après ça, dire aux autres, vous ne pouvez pas en avoir alors qu'eux autres en ont eu. C'est sûr que si ça en vote, les autres de la population, les différents corps de métier ou la population en général va vouloir des augmentations de salaire aussi. Ça ne prend pas, je pense, un doctorat pour comprendre ça. Mais ça fait partie de la stupidité de la gestion ici. Ensuite, la taxe carbone. Le Québec, on est un peuple distinct ici. Donc, le gouvernement fédéral de Carney a enlevé la taxe carbone partout au Canada. Sauf qu'au Québec, nous autres, on continue d'en payer là, à chaque fois qu'on met de l'essence pour lutter contre les changements climatiques. Parce qu'on est des bonnes personnes, on est idéalistes. Il n'y a plus personne qui paye ça au Canada, mais nous autres, parce qu'on est des... C'est ça, ça fait partie de la stupidité encore, à mon avis. Là. À un moment donné aussi, pour ce qui est de la lutte des changements climatiques, je suis plutôt sceptique par rapport au narratif que les médias nous présentent. Puis si c'est réel, c'est les gros joueurs qui ont de l'impact. Prenons par exemple la population de la Chine, sont au-dessus d'un milliard. C'est pas le Québec avec 9 millions à peu près d'habitants qui va avoir un impact significatif. Il faut pas être stupide. Tu sais, je veux dire, on fait pas le poids, là, au niveau international. Ah, mais c'est symbolique. Nous autres, on a bien fait. Fait que si un jour ça tourne mal, c'est pas notre faute. Nous autres, on avait la taxe carbone. C'est de la faute des autres. Parce qu'ils l'ont pas payé ou qu'ils ont pas embarqué. Ça peut être une façon de se donner bonne conscience en disant que nous autres, on n'est pas corrects, puis les autres sont corrects. Nous autres, on est corrects, pardon, puis les autres ne sont pas corrects. Sinon, ben, qu'est-ce qui ne me donne pas le goût de payer de l'impôt au Québec? Ben, c'est la façon qu'est géré notre argent par rapport à des projets d'entreprise dans lesquels le gouvernement va investir. Prenons par exemple les batteries Northvolt. Et on voulait investir pour une entreprise qui va fabriquer des batteries pour des autos électriques. Naturellement, c'est un fiasco. Même chose pour l'Ion électrique. Les autobus électriques sont sur le bord de la faillite. Puis financer des entreprises pour qu'elles achètent des autobus électriques de transport. Puis ensuite, financer des entreprises, imposer aux entreprises d'acheter des autobus neufs électriques alors que c'est problématique avec le recul, ce type de véhicule-là, puis l'entreprise qui font les autobus électriques, elle a des problèmes, bien, c'est une espèce de cercle vicieux. T'sais, tu demandes aux gens d'acheter des autobus électriques, puis par la suite, l'entreprise qui est derrière ça est en état de problème. Ça ne marche pas. Les projets gouvernementaux, malheureusement, par rapport au privé, j'ai l'impression que nos dirigeants jouent avec l'argent des contribuables un peu comme une personne va au casino puis va miser sur quelque chose, mais elle ne sait pas trop. Et le problème, c'est toujours la question de l'imputabilité. Donc, si un politicien se présente comme étant visionnaire et dire que l'énergie électrique, c'est l'avenir du Québec à cause qu'on produit de l'hydroélectricité, puis on va se vanter que c'est de l'énergie propre, renouvelable, à différence de d'autres pays qui produisent l'électricité à partir du nucléaire ou qui demandent des coûts d'entreposage par rapport aux déchets radioactifs, ou des pays qui produisent à partir de l'énergie thermique ou le charbon. Mais là, on se présente en disant, notre énergie est verte, c'est hydroélectrique, c'est non polluant, donc on va investir dans les entreprises qui vont amener un développement dans ce sens-là, puis de dire qu'on est des visionnaires dans le domaine d'écologie, etc. Alors qu'en réalité, le politicien qui fait ça pour bien paraître, si l'entreprise foire, comme Ion Électrique ou Northvolt, c'est les contribuables qui vont payer. Il n'est pas imputable personnellement, c'est avec l'argent des autres, naturellement. Il y avait un adage qui disait « rendre public les dettes et privatiser les profits ». Donc ça, c'est la vision économique qu'ont certaines personnes. Mais bref, c'est mal géré, tandis que dans le privé, si ça tourne mal puis la personne a mis de son argent personnel parce qu'elle a hypothéqué sa maison, vous pouvez être sûr qu'elle va bien calculer ses choses, puis ça se peut qu'elle prenne plus un risque qui est calculé que certains de nos politiciens qui investissent dans des entreprises qui sont supposées être des fleurons du Québec ou de l'avenir, mais en réalité, ça ne s'actualise pas. Donc, c'est ça. L'autre élément, c'est sûr que, dans le fond, le réseau de la santé est mal géré. Donc, moi-même, à un moment donné, j'avais besoin de consulter un spécialiste d'une opération, puis j'ai été au privé, puis j'ai été bien servi, puis au public, naturellement, ça fait presque 2 ans, puis on ne m'a pas recontacté. Donc, est-ce que ça me donne le goût de payer de l'impôt qu'une partie du budget va à des soins de santé, alors que je m'organise dans ma vie en général pour être en santé, je fais du sport, je fume pas, je bois de l'alcool, oui, mais modérément. Et lorsque j'en ai besoin, j'ai pas accès à la ressource. Et ça me donne encore moins le goût de contribuer à des campagnes de financement par rapport à mon hôpital local. Dans le sens que par la poste, habituellement, à chaque année, je reçois une enveloppe pour contribuer financièrement, donner des dons au réseau hospitalier local où ce que je suis, alors que je demande rarement des services. Puis lorsque j'en demande, j'en ai pas. J'ai pas le goût de donner une scène parce que je suis pas satisfait. Par contre, le réseau privé, je suis satisfait. J'avais un problème de santé. Je contacte le réseau privé, puis j'ai accès dans un délai raisonnable à un spécialiste que je peux rencontrer comme un urologue. Donc, un délai de quelques jours. Je parle pas de quelques mois ou quelques années. Je parle d'un délai, dans le fond, je peux le rencontrer, l'urologue, dans un délai, je vous dirais peut-être là, entre 1 semaine puis 2 semaines là, d'attente, pas plus. Ça va vite. Donc, vous voyez, c'est très différent là. Donc, le point Sinon, ben, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ben, je suis pas d'accord avec les politiques du Canada puis du Québec là, en matière d'immigration. Donc, je vais mettre quand même les choses au clair. Je ne suis pas opposé à l'immigration. Par contre, il faut que la capacité d'accueil, dans le fond, respecte les besoins à la fois des citoyens du Québec, du Canada, puis aussi des nouveaux arrivants, dans le sens que si on accueille des gens, bien, il faut s'assurer que le réseau de la santé, le réseau de l'éducation soit capable de fournir des services à tout ce monde-là. Même chose pour le domaine de l'habitation, pour pas qu'on se ramasse avec des problèmes de pénurie, d'accès au logement, puis ces choses-là. Donc, c'est sûr que si l'immigration est mal planifiée, mal gérée, comme un paquet d'autres choses gouvernementales, là, il y a plein de monde qui viennent ici, puis là, on se ramasse avec une surenchère par rapport à la valeur des maisons au Québec, des loyers aussi, puis avec plein d'itinérants. Ben, je suis de l'avis qu'avant de s'occuper des réfugiés des autres pays, commençons par s'occuper des réfugiés des villes, c'est-à-dire les gens en situation d'itinérance qui n'ont pas accès au logement. Donc, parce que ça coûte trop cher. Donc, comme charité bien ordonnée commence par soi-même. Puis là, par la suite, quand on réussira à bien gérer les choses au Québec, qu'on règle les problèmes d'endettement, de déficit par rapport au budget et qu'on devient riche, là, par la suite, vouloir sauver l'humanité puis accueillir des réfugiés. Mais si on met la charrue avant les bœufs, ou si on veut sauver tout le monde alors qu'on a nous-mêmes des gens dans des situations de problèmes graves, des gens qui n'ont pas de toit, ben avant de s'occuper des gens qui ont perdu leur toit dans d'autres pays, ben peut-être à regarder là, par rapport à ici. Mais je le répète, je ne suis pas fermé à l'immigration. Par contre, il faut que ça respecte la capacité d'absorption du pays, à mon avis. Fait que j'ai différentes considérations politiques comme ça. Là, je me suis permis de toutes les énumérer, là, qui font en sorte que je suis de l'avis que faire de l'optimisation fiscale dans l'optique de payer moins d'impôts possible, à mon avis, c'est pertinent. Puis pour y arriver, bien, c'est de connaître les règles du jeu. Ici au Québec, on a entre autres les REER, régime d'épargne retraite. Donc, quelqu'un qui cotise à ça peut diminuer son salaire imposable, puis la braquette de salaire imposable. Donc, quelqu'un, par exemple, au Québec ben là, ça va être à titre approximatif. Naturellement, je ne donne pas des conseils fiscaux. Je ne suis pas conseiller fiscal. Donc, il faut aller consulter des comptables fiscalistes là, pour avoir l'opinion d'un professionnel selon votre situation. Par rapport à tout ce que je peux dire, ben, contre-vérifiez l'information. Ne me croyez pas sur parole. Donc, tout dépendant le salaire déclaré, dans le fond, après que la personne ait cotisé un REER, ben, ça fait une différence. Dans le sens que si quelqu'un gagne 51 000 et plus, par rapport à l'impôt à payer, ben, va être plus élevé, dépasser un certain stade de salaire que s'il gagne moins. Puis pour diminuer le salaire gagné, puis avoir accès à plus de avantages sociaux, comme l'allocation familiale, si la personne a des enfants. Ensuite, la prime au travail. Ensuite, une allocation aussi qui existe au niveau gouvernement fédéral par rapport au logement, bien, c'est de diminuer le salaire déclaré. Si quelqu'un, par exemple, était sur le point de gagner 55 000, la personne cotise, par exemple, 20 000 $ à un REER, bon, bien, sous la brachiquette du 51 000, puis ça peut lui permettre d'avoir accès à un palier d'impôt moins important à payer. Moins la personne gagne, plus qu'elle peut avoir accès à des programmes sociaux. Donc ça, c'est intéressant à étudier. Puis là, il y a des braquettes, dans le sens que si la personne, par exemple, veut aller chercher le maximum au niveau de l'allocation familiale, bon, bien, si la personne gagne en bas de 35 000 $ elle va aller chercher plus que si elle gagne, par exemple, 40 000 ou 45 000. En fait, je dis la personne, c'est pas vrai. C'est que si c'est une personne qui est seule ou si c'est une famille. Donc, si c'est une personne monoparentale qui s'occupe de s'occuper des enfants ou si c'est une famille, puis la famille gagne au total moins de 35 000 parce que les deux parents ont cotisé le maximum qu'ils pouvaient au REER, qui représente à peu près 18 % du revenu imposable. Ensuite, si les deux adultes cotisent au maximum au CELIAP, c'est un autre programme gouvernemental, qui vise à l'achat d'une maison. Bon, ben, ces personnes cotisent 8 000 $ les deux adultes. Bon, ben, elle va payer, en plus du REER, elle va payer moins d'impôts, elle va réduire le revenu imposable familial. Donc, c'est intéressant à étudier. Puis pour le CELIEP, dans le fond, vise à permettre aux gens à mettre de l'argent de côté à l'abri de l'impôt. C'est un programme gouvernemental dans l'optique d'éventuellement s'acheter une maison. La personne peut cotiser un maximum de 40 000 $. Mais le point à comprendre, c'est que la personne elle veuille ou pas s'acheter une maison, à la limite, elle s'en fout parce que ça donne un crédit d'impôt. Puis si dépassé une certaine période de temps, comme par exemple 15 ans après la première cotisation, la personne n'achète pas de maison, bon, ben le REER, le CELIEP, pardon, peut être converti en REER. Donc, régime libre d'impôt pour la retraite. Donc, d'épargne retraite. Le régime libre d'impôt, c'est le CELI. Je vais aller trop vite. Des fois, je fais des erreurs quand je vais aller trop vite. C'est pour ça que je dis, croyez pas, vérifiez mes informations. Mais bref, le point, c'est de comprendre les rouages du système. Et pour comprendre les rouages du système, c'est de comprendre que il y a de l'argent qui peut être converti dans d'autres choses, comme le CELIEP peut éventuellement être converti en REER. Donc, la personne a l'intention ou pas de s'acheter une maison. Si la personne est dans une situation d'être lourdement imposée, bien qu'elle a cotisé le maximum qu'elle pouvait au REER, ben ça peut être quelque chose à étudier de cotiser au CELIEP. Puis quelqu'un aussi peut cotiser au CELIEP pendant 2 années consécutives. Donc, si la personne a un maximum de 8 000 qu'elle peut cotiser à chaque année, puis la personne décide de cotiser 8 000 une année, 8 000 une autre année, donc ça fait un total de 16 000, mais la personne n'est pas obligée de déclarer le montant cotisé au CELIEP à chaque année. Elle peut attendre. Dans le sens que si une personne en 2023 cotise 8 000 au CELIEP, 2024 un autre 8 000, bon, ben ça fait un total de 16 000. Puis si la personne, dans le fond, cotise au niveau REER, par exemple, 20 000 $ puis elle décide la même année de déclarer le 16 000 en CELIEP, bon, ben ça se peut que la personne, par rapport à son salaire, tout dépendant combien qu'elle gagne, bon, ben elle gagne, elle se qualifie pour gagner moins de 35 000 si, par exemple, est famille monoparentale ou les deux de la famille font, les deux adultes cotisent pour aller chercher un revenu total familial de moins de 35 000 en retardant la déclaration des cotisations dans l'optique de faire l'optimisation fiscale, ben si chacun a 16 000 de CELIEP sans compter le REER, puis au total, ben les deux revenus sont diminués au maximum, puis la personne elle se ramasse, le couple, en fait, se ramasse à gagner de moins de 35 000 par année, puis ils ont accès au maximum d'allocation familiale, c'est 7 900 quelques, environ 8 000. Bon, ben ça devient intéressant de comprendre les rouages du système. Donc, pourquoi? Ben parce que si le système est mieux géré, la personne peut partir de la prémisse qu'elle va s'organiser pour bien gérer ses choses, pour que sa famille puisse arriver. Mais aussi que, dans le fond, l'argent puisse être utilisé d'une manière optimale. Donc, l'idée, c'est de comprendre les rouages du système. Donc, il y a le CELI aussi, le compte libre d'impôt. Quelqu'un peut cotiser 102 000 $ si la personne avait 18 ans en 2009. Donc, je parle par rapport à l'année 2025. Bon, mais si on fait chiffre rond, 100 000 $ la personne cotise au CELI, qui est un compte libre d'impôt. Lorsque la personne retire ce montant d'argent, à différence du REER, régime épargne retraite, elle paye zéro impôt. Puis quelqu'un peut investir 100 000 $ là-dedans, mais si la personne a du rendement puis ça fructifie, disons que la personne investit dans du Bitcoin, puis en moins d'un an, elle fait 40 % de rendement, bon, ben le 100 000 est rendu à 140 000. Ou plus, parce que, dans le fond, la personne, si elle a... Parce qu'il y en a qui ont fait 40 % avec le Bitcoin, mais il y en a qui vont faire plus encore. Là. Dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'argent qui a été fait, mais tout ce montant-là, dans le fond, il est libre d'impôts. C'est-à-dire que le montant cotisé, c'est un total de 102 000, puis par la suite, les 102 000 rapportent plus, puis la personne est rendue avec $1 million dans son compte scellé au fil des ans, parce qu'elle performe très bien au niveau crypto-monnaie. Bon, ben, au moment de décaisser l'argent qui a été mis là-dedans, ben, c'est non imposable. Et là, ça peut faire la différence entre quelqu'un qui est riche puis qui est pauvre. Et c'est pour ça, entre autres, que dans le fond, il y avait des articles de journaux, entre autres, qui avaient été parus, où tu as des gens qui, Liberté 40, là, ils prennent leur retraite à 40 ans, puis tu as deux classes de la population qui apparaissent, c'est-à-dire ceux qui ont de l'argent dans les comptes CELI et les autres. Parce que cette disparité-là entre la personne qui vit au Québec, qui paye beaucoup d'impôts, qui ne regarde pas ses choses, qui est endettée, versus l'autre qui investit massivement dans le CELI, qui fait de l'optimisation fiscale. Entre autres, ça peut être quelqu'un qui va cotiser le maximum REER, maximum CELIAP, puis lorsque du retour de l'impôt à la fin de l'année, ben il prend l'argent puis il met ça dans son compte CELI. Il fait ce qu'on appelle du recyclage de capitaux. Recyclage de capitaux, c'est quoi? Ben c'est prendre de l'argent à quelque part, et puis cet argent-là te redonne d'autres argent que tu peux réinvestir par la suite. Donc c'est de comprendre comment fonctionne le système, dans le sens que quelqu'un qui, par exemple, cotise un maximum CELIAP, maximum REER, et qu'il revient un gros retour d'impôt parce qu'il évalue qu'il y a eu trop d'impôts qui ont été prélevés là, sur ses payes à chaque semaine. Bon, ben le montant que la personne a payé, disons que la personne paye un REER à 10 000 $ puis à la fin de l'année, puis ça y redonne en CELIAP un montant, en CELI, pardon, je vais aller trop vite. Ça lui donne un montant de retour d'impôt de plusieurs milliers de dollars. Puis par la suite, avec ce millier-là de dollars, disons que ça lui donne 3 000, elle met ça en CELI. Bien là, dans le fond, le 10 000 $ en réalité, lui a permis d'avoir accès ensuite à 3 000 de retour d'impôt. Donc, c'est un 10 000 $ qui est intéressant. Ce qui veut dire que ça lui a coûté environ 7 000 $ Puis là, au moment rendu de la retraite, bien naturellement, c'est de retirer le montant dans des années qui sont plus creuses pour payer le moins d'impôts possible. Puis de ne pas dépasser certaines braquettes. Si la personne sait qu'à partir de 51 000 de revenus déclarés, la braquette change puis elle paye plus d'impôts, bon, ben à ce moment-là, si elle passe de 16 à, mettons, à 22 %, bien, elle s'organise pour pas, dans le fond, déclarer autant d'argent. Mais ça demande de vivre frugalement puis d'être vigilant. Puis pour ce qui est d'étudier puis de comprendre l'impôt, ben c'est de comprendre les rouages du système. Et comme j'en discutais avec une personne de mon environnement, en fait, c'est elle qui me disait ça, elle dit « La personne au Québec qui épargne est récompensée par rapport au système. » Que ce soit le système lié au REER, CELIAP et CELI. Puis il y a différents niveaux. Le régime épargne-études pour enfants, donc le REE. Bon, ben quelqu'un qui cotise, qu'un enfant à bas âge, qui cotise à chaque année le maximum 2 500 $, elle a le droit à ce que le gouvernement, dans le fond, simultanément, donc provincial, fédéral, cotise 30 %. Donc, il accote la mise de 30 %. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si quelqu'un cotise 1 000 $ au régime épargne-études, le gouvernement provincial et fédéral lui ordonne 300 $ Donc, ça fait un total de 1 300 $ cotisés. C'est de comprendre comment le système fonctionne naturellement. Donc, il y a plein de mesures fiscales liées au système québécois que l'individu, s'il les comprend, peut en faire une utilisation stratégique, mais encore faut-il qu'il les étudie. C'est ça l'affaire. C'est ce que je voulais dire dans le cadre de cet enregistrement présent. En fait, c'est intéressant de voir que d'un peuple à l'autre, les mesures ne sont pas pareilles. Prenons par exemple le régime d'épargne-études qui permet, par exemple, à des parents de cotiser pour un enfant, parce que lorsque l'enfant va être plus vieux, il va pouvoir étudier. À partir de cet argent-là qui aura fructifié, faire des études plus poussées que le secondaire, comme aller au cégep, à l'université. Personnellement, je trouve que c'est une très belle mesure gouvernementale pour favoriser l'éducation. Donc, moi-même, je cotise au régime épargne-études par rapport à ma fille pour que si un jour elle veut faire des études supérieures, ben, elle ait l'argent. Par exemple, je cotise maintenant. En fait, j'ai commencé à cotiser alors que ma fille avait à peine un an. Puis l'argent fructifie pendant 18 ans avec des placements qui sont performants, mais ça va représenter une somme intéressante d'argent là, par la suite. Donc, il y a ça comme mesure. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que d'un peuple à l'autre, les mesures sont très différentes. Moi, c'est sûr que j'ai la perspective que, bon, au niveau de l'éducation, la meilleure éducation, à mon avis, c'est celle que l'individu se donne à lui-même, c'est-à-dire l'éducation autodidacte. C'est pas ce qui va venir du gouvernement ou ce qui va venir du cégep ou de l'université qui va formater l'individu. Ou l'utilité, ça va être de permettre d'avoir un titre professionnel qui va permettre d'obtenir un salaire par la suite, donc avoir un diplôme qui justifie un salaire. Mais à mon avis, la meilleure éducation, c'est celle que l'individu se donne par lui-même en faisant des recherches autonomes. Ça, c'est ma perspective. Mais pour des raisons de travail, de fonctionnalité sociale, je peux comprendre d'être éduqué par rapport à des institutions scolaires. Mais le point que je veux faire, c'est qu'au Canada, on a ça comme mesure, tandis que les gens en Afghanistan, bon, ben, premièrement, quand les talibans sont revenus au pouvoir après le départ des Américains, naturellement, ils ont dit ben, les femmes vont continuer d'avoir le droit à l'éducation. Qu'est-ce qui est arrivé, naturellement, comme j'expliquais à ma compagne, j'ai dit, ce qui va arriver, c'est que dans les semaines qui vont suivre, naturellement, les talibans ne respecteront pas leur engagement. Et comme les États-Unis ne seront plus là sur place avec des soldats pour faire respecter les engagements, bien, ça va devenir un free-for-all. Puis ça va redevenir comme avant que les Américains aient dépensé une fortune à coups de milliards pour envoyer des soldats en Afghanistan pendant plusieurs années pour vouloir, en théorie, installer des bases sociales comme la démocratie, l'accès aux femmes à l'éducation, puis plus grande égalité hommes-femmes. Dans les faits, la minute que les Américains ne sont plus là pour faire respecter ça, il n'y a plus de soldats sur place. Ça va revenir comme avant. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, sur la même planète, une jeune fille qui veut étudier, non seulement à propos de faire des études supérieures en Afghanistan, mais ça va être découragé. Il va envoyer de l'acide au visage de jeunes filles pour les empêcher d'étudier, d'aller à l'école, puis leur faire peur. Puis eux autres, leur perspective, ben ils font ça pour leur bien. Ils font ça pour leur bien. Tandis que nous autres, pour les biens des jeunes filles, au Québec, au Canada, ils peuvent avoir accès à un régime d'épargne-études. C'est sûr que, comme perspective, sans doute certains me trouveront ethnocentrique, mais je m'en fous, vaut mieux avoir accès à plus d'éducation que pas assez. Moi, c'est le propos que je vais avoir par rapport à ma fille. Je vais dire, t'es mieux d'être éduqué plus que pas assez, puis idéalement, par toi-même. Fais confiance à personne, pas aux institutions gouvernementales, pas aux gens sur Internet. Pourquoi? Ben, tout le monde peut mentir, tout le monde peut te désinformer. Contre-vérifie. Ça demande du travail, mais ça vaut la peine. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a un adage qui dit que le savoir, c'est le pouvoir. Mais sur la même planète, il y a des jeunes filles qui se font empêcher d'étudier, tandis qu'il y en a d'autres qui ont des régimes gouvernementaux avantageux pour l'accès à l'éducation auquel les parents peuvent cotiser en bas âge. Sans parler de l'aide financière aux études, communément appelée pré-bourse, qui existe au Québec. C'est important de comprendre dans quelle réalité on se trouve. Et aujourd'hui, bon, j'ai abordé entre autres différentes mesures fiscales liées au Québec. Comme je le disais tantôt, les gens, peu importe le pays ou l'endroit où vous êtes dans le monde, il existe certains types de programmes sociaux, puis c'est important de les comprendre pour par la suite être en mesure de s'enrichir, tout en étant honnête, naturellement, mais en respectant les règles du système d'une manière avantageuse. Donc, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.